C'est important. Elle a 20 ans. C'est intéressant. Il est très sympathique. Je t'invite. Où est l'infirmière? On se voit lundi ou mardi? C'est le printemps. Je vous l'interdis. Tu es sincère ?